le soleil se couchait, derrière les grands arbres de l'hôtel d'Anvilliers, un soleil d'automne dont les rayons d'or allumaient les feuilles jaunies. Nantas se leva, comme attiré par cet adieu de l'astre. Il allait mourir, il avait besoin de lumière. Un instant, il se pencha. Souvent, entre les masses des feuillages, au détour d'une allée, il avait aperçu une jeune fille blonde, très grande, avec un orgueil princier. Il était point romanesque. Il avait passé l'âge où les jeunes hommes rêvent, dans les mansardes, que des demoiselles du monde viennent leur apporter de grandes passions et de grandes fortunes. Pourtant, il arriva, à cette heure suprême du suicide, qu'il se rappela tout d'un coup cette belle fille blonde, si hautaine. Comment pouvait-elle se nommer? Mais, au même instant, il serra les poings, car il ne se sentait que de la haine pour les gens de cet hôtel dont les fenêtres entrouvertes lui laissaient apercevoir des coins de luxe sévères, et il murmura dans un élan de rage. « Oh, je me vendrai, si l'on me donnait les premiers 100 sous de ma fortune future. » Cette idée de se vendre l'occupa un moment. S'il y avait eu quelque part un monde-piété où l'on prêtait sur la volonté et l'énergie, il serait allé s'y engager. Il imaginait des marchés. Un homme politique venait l'acheter pour faire de lui un instrument. Un banquier le prenait pour user à toute heure de son intelligence. Et il acceptait, ayant le dédain de l'honneur, se disant qu'il suffirait d'être fort et de triompher un jour. Puis, il eut un sourire. Est-ce qu'on trouve à se vendre? Les coquins qui guettent les occasions crèvent de misère sans mettre jamais la main sur un acheteur. Il craignit être lâche. Il se dit qu'il inventait là des distractions. Et il s'assit de nouveau en jurant qu'il se précipiterait de la fenêtre lorsqu'il ferait nuit noire. Cependant, sa fatigue était telle qu'il s'endormit sur sa chaise. Brusquement, il fut réveillé par un bruit de voix. C'était sa concierge qui introduisait chez lui une dame. « Monsieur, commença-t-elle, je me suis permis de faire monter. »